Pauvre homme, ce serait affreux de trouver sa femme en fraude après avoir été renvoyé par sa maîtresse. Josépha, s'écria Crevel. Josépha l'aurait quitté, renvoyé, chassé. Bravo, Josépha, Josépha, tu m'as vengé. Je t'enverrai deux perles pour mettre à tes oreilles, mon ex-biche. Je ne sais rien de cela, car après vous avoir vu le lendemain du jour où la belle Adeline m'a prié, encore une fois, de passer la porte, je suis allé chez les Lebas, à Corbeil, d'où je reviens. Héloïse a fait le diable pour m'envoyer à la campagne, et j'ai su la raison de ses menées. Elle voulait pendre, et sans moi, la crémaillère rue Chauchat, avec des artistes, des cabotins, des gens de lettres. J'ai été joué. Je pardonnerai, car Héloïse m'amuse. C'est une déjasée inédite. Comme elle est drôle, cette fille-là. Voici le billet que j'ai trouvé hier au soir. Mon bon vieux, j'ai dressé ma tante rue Chauchat. J'ai pris la précaution de faire essuyer les plâtres par des amis. Tout va bien. Venez quand vous voudrez, monsieur. Agar attend son Abraham. Héloïse me dira des nouvelles, car elle sait sa bohème sur le bout du doigt.